La délégation du Parti Travail de Corée, conduite par Lee Soo-yong, membre du bureau politique et vice-président du comité central du parti, a participé au 7e congrès du Mouvement populaire de libération d'Angola. Dans son discours, le chef de la délégation coréenne a félicité chaleureusement le 7e congrès au nom du comité central du Parti Travail de Corée. Il a déclaré que le Parti Travail de Corée fera tous les efforts à l'avenir aussi pour le développement continu des rapports d'amitié et de coopération avec le Mouvement populaire de libération d'Angola, selon le dessein des grands camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il et du respecté camarade Kim Jong-un. Au cours de la période du congrès, Lee Soo-yong a rencontré le président du comité central du mouvement, José Eduardo dos Santos, président de la République d'Angola. Il s'est entretenu aussi avec le secrétaire général de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain de Namibie, le secrétaire international du comité central du Parti communiste cubain et autres chefs des délégations des partis de divers pays.